快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。 在音乐的海洋中畅游，在旋律的小路上漫步。北京音乐广播古典音乐频道，有限调频98.6兆赫 ，Pops 音乐，让您轻松享受生活。每天5点、17点播出。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。在今天的节目中，请欣赏2001年首演的法国原创音乐剧《罗密欧与朱丽叶》中的精彩选段。 Voyagé, qui avait lu que plus rien jamais n'étonne, bienvenue à Vérone. Vous qui trouvez que l'homme est bon parce qu'il sait faire de belles chansons, si vous trouvez que celle-ci est bonne, bienvenue à Vérone. Bien sûr, ici, c'est comme ailleurs, les hommes ne sont ni pires ni meilleurs. Hey, vous qui venez chez nous ce soir, par erreur ou par hasard, vous êtes à Vérone.Certain d'être aimé. Ici on est sûr de personne. Bienvenue à Vérone. C'est vrai, nous sommes bénis des dieux. Ici on meurt, mais on meurt vieux. Ici chacun a sa couronne. C'est comme ça à Vérone. Bien sûr ici, c'est comme ailleurs. Les hommes ne sont ni pires ni meilleurs. Hey, vous qui venez chez nous ce soir, par erreur ou par hasard, c'est à Vérone. Thank you. mes amis, mes frères de sang, vous que j'aime depuis si longtemps. Est-ce que comme moi, sur vos épaules, vous sentez la mort qui vous frôle? Vous qui riez de tout, de rien, qui vous moquez bien de demain? Moi, Roméo, qui vis debout, ce soir, ami, je vous l'avoue, j'ai peur que nos ombres si légères demain se changent en pierre, que les étoiles qui nous guident un jour nous poussent au vide. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Se bat entre eux. légère. Un peu de soi pour qui elle est belle, belle à mourir, belle à choisir un jour de mourir pour elle. Que sont les yeux des hommes quand les siens me regardent et battre, je me battrai, mais Et pourquoi faut-il payer le droit de nous aimer et que nous changer l'histoire, la nôtre commence ce soir. Et tant pis si ça dérange qu'une pucelle aime un ange. À quelle étoile, à quel dieu je dois cet amour dans ses yeux? Thank you. on ne me tourne pas autour. On m'a dit tu donnes ton lait et ton amour. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai remercié les dieux et j'ai prié le ciel pour que sa vie soit belle. Et Juliette a grandi, et voilà qu'elle aime, et voilà qu'elle danse. Elle me dit je l'aime, elle sort de l'enfance. Et moi qui ne suis rien que sa mère, son coussin, je suis la seule pour elle qui tremble. Et voilà qu'elle aime, et voilà qu'elle danse, et voilà qu'elle aime. Et moi qui n'ai qu'elle, je la partage avec une autre. Quand elle dit ma fille, moi je pense c'est la nôtre. Plaire à leur mari, tant de femmes comme elles oublient qu'elles ont fait des enfants, qu'ils auront 20 ans. Et Juliette a grandi, et voilà qu'elle est, et voilà qu'elle danse. Elle me dit je l'aime, elle sort de l'enfance. C'est plus fort que tout. Notre-Dame. On dit dans la rue que le fils des Montaigu a trahi ses parents, déshonoré son rang. Mais toi qui vis comme un ange, toi que rien ne dérange, tu crois que tout s'arrange, mais la vie un jour se venge. Ça n'est pas le droit. Tu as perdu la tienne et réveillé la haine. On dit dans la rue que pour toi y a plus d'issue, que pour sauver ton honneur il faut quitter cette fleur. Mais toi qui vis comme un ange, toi que rien ne dérange, tu crois que tout s'arrange, mais la vie un jour se venge. Sans se haïr, sans en mourir. prince, être roi, avoir tous les pouvoirs mais aucun droit. Être prince ici-bas, vivre au-dessus des lois. On m'envie, mais de quoi? On dit lui en parlant de moi. On me craint, on me croit, pour qu'il fait chaud, j'ai froid. Et pourtant, je l'avoue, je sacrifierai tout pour garder sur vous le pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir, qu'on soit riche, qu'on soit beau, l'esprit jamais au repos, qu'on ait tout reçu des dieux, qu'on soit certain d'être heureux, qu'on soit le diable en enfer, le vent qui souffle sur les mers. Je ne connais pas sur terre de douleur plus légère. Quel plus grand plaisir qu'avoir entre ses mains le pouvoir. C'est mieux que l'or, que l'ivoire, quand le monde est son miroir. Le pouvoir. C'est bien plus fort que l'amour, bien plus doux que les velours, des femmes qui me font la cour. Le pouvoir c'est la jouissance, et je jouis de leur confiance. Et quand je donne ma semence, c'est à l'histoire que je pense. Le pouvoir c'est fantastique, je suis un homme et public. Dans ce monde où tout s'achète, je suis le seul à qui on prête. Dans ce monde où tout se vend, on me donne sinon je prends. Des nains je suis le géant, et je mange, je mange, je mange. Le pouvoir, ah mes amis, si vous en saviez le prix, c'est la mort qui vous sourit, l'éternité dans une vie. Et quand je rends la justice, la vertu contre le vice, c'est le père qui parle au fils, je commande, ils obéissent. Le pouvoir ça se mérite, on le prend, on l'hérite, et le jour on le quitte, alors on construit son mythe. Le pouvoir ça brûle en vous, le pouvoir ça vous rend fou. Le pouvoir on s'y cramponne, et quand il vous abandonne, on en meurt. Avoir une fille, une petite opale, deux yeux qui brillent, une peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire une femme, une petite virtuose avant ses gammes. Avoir une fille, un cœur de sable, cadeau de Dieu, cadeau du diable. Avoir une fille, c'est faire un crime pour le coupable et la victime. Avoir une fille, elle est ma vie, elle est mon sang, elle est le fruit de mes 20 ans. Et je maudis tous ces amants. Elle est ma vie, elle est mon sang, et je avoir une fille, c'est trembler de peur qu'elle se maquille pour un menteur. Avoir une fille, c'est plus jamais traiter mes femmes comme je les fais. Avoir une fille, je vais les hommes et leurs regards. C'est la ruse et la victoire. Et quand viendra le jour où l'un d'eux me prendra ma fille en m'appelant monsieur, mon corps, pour que quand viendra le jour de ma mort, elle portera tout au fond de son corps cette étincelle de celui ou celle qui à son tour et par l'amour viendra crier le cœur si lourd. Avoir une fille, une petite opale, deux yeux qui brillent, une peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire un crime, ou le coupable est la victime. Avoir une fille, avoir une fille. Est-ce qu'on a le droit de choisir quand celui qu'on aime pour vous se tue? Ne cherchez pas à nous comprendre, ne cherchez plus rien de nous. Brûlez d'amour, vous laissez en cendres, mais restez cachés au froid chez vous. Moi, je meurs d'amour. Moi, je meurs. Avec votre haine, mais laissez-moi partir loin de vous. Moi, je meurs d'amour. Moi, je meurs d'amour. Roméo, Roméo, la vie sans toi n'est qu'un mot. Roméo. 在旋律的小路上漫步， 北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫 ，Pops 音乐，让您轻松享受生活。每天5点、17点播出。 欢迎继续收听 Pops 音乐，在接下来的节目中，请欣赏韩国版原创音乐剧《罗密欧与朱丽叶》中的精彩唱段。 Thank you. 그건 내게 너무 아픈 고백 죽어가는 사람에게 재촉하는 유언 잊어버리란 말도 그건 내게 너무 아픈 충고 덫에 걸린 사슴에게 쏘아올린 화살 그빛의 화살로도 뚫을 수 없는 숨결 그 어떤 유혹에도 빈틈 없는 그 숨결 머릿속 스치면 사랑을 꿈꾸고 벼슬 아침 무릎이 스치면 독실대는 꿈꾸고 변호사의 손가락 스치면 돈 버는 꿈꾸고 병사들의 목덜미 스치면 목 빼는 꿈꾸고 온갖 꿈 다스리는 맨 여왕 맨 여왕 요정들의 여왕 된 망상에서 태어난 꿈 다스리는 맵 여왕 맵 여왕 요정들의 여왕 요정들의 여왕 맵 여왕 요정들의 여왕 맵 여왕 요정들의 여왕 요정들의 여왕 붉은 그대 입술 只对我내마음속에피네기쁨에찬나의영혼그대에게간구하니그입술로 별 잠긴 내님의 두 눈 찾았네 주연네 두 분께 하늘에서 축복이 내리시길. 아기씨가 저주될 때에 적국지의 숲만 보고는 귀여운 바보 신통 부리며 적국지와 싸움했네. 아기씨가 저주할 때에 다리를 벌리며 남자를 봤던 신용을 하며 엄직맞게 울었죠. 없이 적을 찾네. 이런 날 이런 기분이라면 끓는 혈기 참아보자 친구야. 이런 날 이런 기분엔 짜증나 미치겠다 친구야. 이런 날 이런 기분엔 피를 봐야겠어 친구야. 길거리에서 기침하는 놈과 밤을 덮어둬 노래하고 아침이 밝으면 이제 노래하고 아침이 밝아오면 이제 가셔야 하나요 소적새 지적이고 꽃잎보다 짙게 새벽보다 집에 내어주마. 여기서 붉게 녹슬며 나를 죽여다. 곁에서 아주 영원히 Pops 音乐就到这里，感谢收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。